Chapitre 11e. On sait pour quelle dame était la cabine. À peine Jane y fut-elle installée, Kellim, s'emparant du commandement du sloop, ordonna de lever l'ancre. « Si nous coupions le câble, tout simplement, » dit Yorsko. « Tu as raison, ce sera plutôt fait. » Yorsko prit une hache, coupa le câble, et le navire dériva. Mais presque aussitôt, au commandement d'Elim, les voiles se déploient, le vent qui soufflait de terre les arrondit, et le petit bâtiment, quoique d'une construction assez lourde, fend sans difficulté la mer. Au point du jour, Elim aperçut la ligne des vaisseaux formant le blocus. Un petit cutter de service qui chaque nuit servait de mouche à la flotte vint à lui. Le jeune officier qui commandait le cutter vit, à la coupe du bâtiment et à sa voilure, qu'il était hollandais. Il fit feu sur lui de son unique canon. Et l'alarme donnée, il se hâta de regagner la flotte. En un instant, toutes les batteries de la flotte furent éclairées par des lanternes. Elim prit un porte-voix et cria « Ne tirez pas, je suis russe et j'amène un bâtiment hollandais !» Mais sa voix se perdit dans l'espace. Une lumière brilla au sabord du bâtiment le plus proche et un boulet, ricochant à bâbord, fit voler l'eau jusque sur le pont. « Mais que diable font-ils donc, Yorsko ?» demanda Elim. « Vous le voyez bien, lieutenant, ils tirent sur nous. Mais ils vont nous couler. Dans 10 minutes, ce sera fait, lieutenant, si... » Un second boulet coupa la parole à Yorsko en même temps que la grande bergue. « Si quoi ?» demanda Elim. « Si vous ne changez pas de pavillon, lieutenant ?» Elim leva la tête. Le pavillon hollandais flottait fièrement à la corne du sloop. « Vous voyez bien, lieutenant, » dit Yorsko, « qu'ils croient que nous venons les prendre à l'abordage. »« Fou que je suis !» fit Elim. Puis se tournant vers ses hommes, « Amenez le pavillon hollandais et hissez ce mouchoir, » dit-il. Le pavillon hollandais fut amené et le mouchoir d'Elim prit sa place. Avant que l'échange pût être opéré, un troisième boulet était venu s'enfoncer dans l'avant du sloop. Mais à la vue du mouchoir blanc, qui indiquait un bâtiment parlementaire, tout feu cessa. Elim promena son regard sur la flotte et reconnut son bâtiment. « Gouverne sur le Vladimir, Yorsko. Tu dois être comme moi, pressé de rentrer à la maison. » Yorsko gouverna sur le Vladimir. Il commença à faire assez jour pour que l'on distinguât ce qui se passait sur la flotte. Tous les équipages, éveillés par les 4 coups de canon qui venaient d'être tirés, étaient sur les ponts et dans les haubans. On n'était pas moins curieux à bord du Vladimir, vers lequel semblait de préférence se diriger le sloop que sur les autres bâtiments. « Bon, dit Elim, voilà Nicolas Alexeïevitch qui nous regarde avec sa lunette. » Puis reprenant le porte-voix, il cria « Eh, bonjour, Nicolas Alexeïevitch !»« Le diable m'emporte si ce n'est pas ce fou d'Elim !» dit le lieutenant. « Elim ! Elim ! Elim !» crièrent 20 voix d'officiers. « Le lieutenant Mélosor !» dit l'équipage d'une seule voix. « Hourra pour le lieutenant Mélosor !»« Accostez !» criait Elim au matelot. Ceux-ci, armés de gaffes à l'aide desquelles ils amortirent le choc, accrochèrent le sloop à la frégate. « En vérité, mon cher Elim, » dit Nicolas Alexeïevitch en tendant la main au jeune lieutenant, « il faut que tu sois sorcier. Tu tombes à l'eau et tu ne te noies pas. Tu passes dans le feu et tu ne te brûles pas. Nous t'avons cru archi perdu. Te voilà sain et sauf. Sois le bien arrivé. » « Et je ne suis pas arrivé seul, » dit Elim, en tendant la main à Jane, que Yorsko soulevait entre ses bras. « Ah, hein, » dit maître Nicolas, en apercevant la jeune fille, « cela ne m'étonne pas que nous t'ayons pris pour un brûlot. Il ne fallait que ces 2 yeux-là pour faire sauter la flotte. »« Mon cher Nicolas, » dit à son tour Elim, « fais-moi le plaisir de donner le bras à madame jusqu'à ce que je me sois expliqué avec le capitaine. » Nicolas Alexeïevitch s'inclina devant Jane et lui présenta le bras. Elim trouva le capitaine mettant le pied sur le 1er degré de l'escalier qui conduisait de la cabine au pont. Le capitaine jeta un cri de joie en reconnaissant Elim. Il aimait le jeune homme comme il eût aimé son enfant. « c'est bien, » dit-il lorsqu'Elim eut terminé son récit. « Nous veillerons à ce qu'on te paye un bon prix le sloop que tu as amené. Mais dites-moi, monsieur le lieutenant, » ajouta le capitaine d'un ton sévère, « quelle est la dame qui vous accompagne ?» Le capitaine avait vu par sa fenêtre le transbordement de Jane. Elim rougit et balbutia. Il connaissait l'express défense existant sur la flotte russe de recevoir des femmes à bord d'un bâtiment. Alors il raconta ce que nous savons. Le capitaine écouta froidement le récit du jeune homme. « Tout ce que vous me dites là, Elim Polovitch, est vrai, je n'en doute pas, » répondit le capitaine. « Mais votre dévouement pour vos camarades près de périr ? « Votre retour avec un bâtiment ennemi ont attiré sur vous les yeux de toute la flotte. Vous devez conserver votre nom pur de tout soupçon, Elim. Or, chacun aura droit de penser que vous avez inventé tout ce roman pour coudre une liaison avec une personne indigne de vous. Capitaine, s'écria le jeune homme en rougissant, car la flamme de la colère lui montait au visage. Ne nous fâchons pas, Elim. Écoutez-moi, au contraire, tranquillement. Plus vous vous fâcherez, et surtout vis-à-vis de moi, plus vous serez dans votre tort. Vous savez, n'est-ce pas, que nos lois maritimes défendent d'avoir des femmes à bord en temps de guerre. Quel rapport voulez-vous que je fasse à l'amiral? Sa première question sera, est-ce sa femme ou sa sœur? Elim baissa la tête et garda le silence. Le capitaine continua d'une voix plus douce. Supposons même, mon cher Elim, que cette affaire ne vous fasse aucun tort dans l'esprit des marins. Ne devez-vous pas penser à la réputation de cette pauvre enfant, qui aura d'autant plus à perdre sous ce rapport qu'elle sera plus innocente? Vous êtes maintenant son seul protecteur, Elim, et l'honneur d'une jeune fille est chose sainte. Que faire, capitaine? Dit tristement Elim. Dirigez-moi, conseillez-moi. Que je vous dirige, que je vous conseille, Elim. Oui, oui, capitaine, je vous en supplie. Vous voulez que je vous parle comme si vous étiez mon fils? Je vous le demande, en grâce. Aimes-tu cet enfant, Elim? Demanda le capitaine. Je suis prêt à donner ma vie pour elle. T'aime-t-elle de toute son âme? Feras-tu son bonheur? Oh, pour cela, capitaine, j'en réponds. As-tu le consentement de ses parents? Elle est ma fiancée. Eh bien alors, mon cher, épouse-la. Si vite, capitaine? Demanda le jeune homme, presque étouffé par la joie. À l'instant même, je vous cède ma cabine, et je suis votre père ami. Oh, mon bien bon, mon bien cher ami, s'écria Elim en se jetant dans les bras du digne officier. Allons, dit le capitaine, voilà qui est arrangé. Va prévenir madame la mariée maintenant, c'est bien le moins qu'elle sache la chose 5 minutes d'avance. Elim remonta sur le pont, et moitié riant, moitié pleurant, il arracha la jeune fille du bras de Nicolas Alexeïovitch et la serra sur son cœur. Mais qu'y a-t-il donc, Elim? Qu'y a-t-il? Demanda Jane. Il y a, ma chère Jane, répondit Elim. Mon Dieu, je ne puis croire à mon bonheur. Parle. Il y a que le capitaine exige que nous nous marions sur le champ. Sur le champ? Répéta la jeune fille tout étourdie. Tu ne peux pas t'y refuser, Jane, c'est la loi. Mais je ne m'y refuse pas, dit la jeune fille en rougissant et en baissant les yeux. Oh tiens, tu es un ange. Le prêtre attend les fiancés dans la cabine du capitaine, dit Orsko, et je vous préviens, mon lieutenant, qu'il est pressé. Allons, répondit la jeune fille d'une voix presque inintelligible, tandis que son bras, frissonnant à celui d'Elim, parlait plus intelligiblement que sa voix. Nicolas Alexeïovitch servit de père à la fiancée, et le capitaine au premier. Tout l'équipage eut le droit de descendre dans l'entrepont et assista à une cérémonie qui, ayant lieu rarement à bord d'une frégate, excitait la curiosité générale. La bénédiction nuptiale donnée, on entendit aussitôt retentir les bouchons qui s'échappaient bruyamment des goulets des bouteilles de vin de champagne. C'était le canon qui célébrait le mariage. Jane, toute rougissante, remercia les assistants et donna ses joues roses à baiser aux officiers du Vladimir. « Maintenant, dit le capitaine, vous devez être fatigués. Bonne nuit, mes enfants, on vous éveillera pour dîner. » Et il sortit en fermant la porte. Elim et Jane restèrent seuls. 3 jours après le mariage d'Elim et de Jane, la flotte allait hiverner à Tchata. La première personne que les jeunes époux rencontrèrent sur le quai fut Maître Auguste van Arversen. Elim et Jane se jetèrent dans ses bras en l'appelant tous deux « mon père ». Le vieillard faillit mourir de joie. Il pleura, il riait, caressait et grondait. Mais il n'y avait pas à revenir sur les événements, tout était fini et pour le mieux. On écrivit à la maîtresse, restée à la maison. Une semaine après, Jane reçut une lettre de sa mère. La bonne femme lui envoyait sa bénédiction, mais elle ne pouvait s'empêcher d'exprimer à Jane le regret de ce qu'elle n'avait pu, pour le souper de noces, lui confectionner le fameux gâteau de pommes dont elle avait seule le secret. Et ce qui, selon elle, était un malheur irréparable, c'était l'absence de ce fameux lit qui était dans la famille depuis 5 générations. Jane riait et pleurait à son tour. « Mon bon père, dit-elle, vous direz à ma mère ?»« Que tu t'en es très bien passé, mon enfant, » répondit le vieillard. Jane regarda son mari et se jeta toute rougissante entre ses bras, tandis que celui-ci, par-dessus son épaule, serrait la main de Maître Auguste van Arversen. « Saperlotte, dit le vieillard, c'est trop bête de retenir ses larmes, cela étouffe. » Et il se mit à pleurer franchement. Par bonheur, c'était de joie.